Dans le pays, on pensait que le vieux meunier, en renvoyant Vivette, avait agi par avarice, et cela ne lui faisait pas honneur de laisser sa petite fille traîner ainsi d'une ferme à l'autre, exposée aux brutalités des bails et à toutes les misères des jeunesses en condition. On trouvait très mal aussi qu'un homme du renom de Maître Cornille, et qui jusque-là s'était respecté, s'en alla maintenant par les rues comme un vrai bohémien, pieds nus, le bonnet troué, la taillole en lambeaux. Le fait est que le dimanche, lorsque nous voyions entrer à la messe, nous avions honte pour lui, nous autres les vieux. Et Cornille le sentait si bien qu'il n'osait plus venir s'asseoir sur le banc d'œuvre. Toujours, il restait au fond de l'église, près du bénitier, avec les pauvres. Dans la vie de Maître Cornille, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Depuis longtemps, personne au village ne lui portait plus de blé, et pourtant, les aides de son moulin allaient toujours leur train comme devant. Le soir, on rencontrait par les chemins le vieux meunier, poussant devant lui son âne, chargé de gros sacs de farine. « Bonne vêpre, Maître Cornille !» lui criaient les paysans. « Ça va donc toujours la meunerie ?»« Toujours, mes enfants !» répondit le vieux d'un air gaillard. « Dieu merci, ce n'est pas l'ouvrage qui nous manque !» Alors, si on lui demandait d'où diable pouvait venir tant d'ouvrages, il se mettait un doigt sur les lèvres et répondait gravement « Motus, je travaille pour l'exportation !» Jamais on n'en put tirer davantage. Quant à mettre le nez dans son moulin, il n'y fallait pas songer. La petite Vivette elle-même n'y entrait pas. Lorsqu'on passait devant, on voyait la porte toujours fermée, les grosses ailes toujours en mouvement, le vieil âne broutant le gazon de la plateforme et un grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre et vous regardait d'un air méchant. Tout cela sentait le mystère et faisait beaucoup jaser le monde. Chacun expliquait à sa façon le secret de Maître Cornille, mais le bruit général était qu'il y avait dans ce moulin-là encore plus de sacs d'écus que de sacs de farine.